Le changement climatique est là. Alors, on fait quoi ? Moi, je fais mes courses en vrac. Ah, moi, je me déplace à vélo. Et je fais pipi sous la douche. Tous nos gestes comptent. Mais comment aller plus loin ? À la Fondation Terre Solidaire, nous pouvons agir ensemble sur nos modes de vie pour construire une transition écologique vertueuse. Nous soutenons les initiatives locales qui inventent de nouvelles façons de produire et de consommer, comme la création d'une filière de la fleur française en circuit court ou le développement local des énergies renouvelables via des collectifs de citoyens. Pas d'action sans don. Soutenez la Fondation Terre Solidaire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Dans la Grande Guerre, il n'y a pas que les poilus, les femmes sont sur tous les fronts. Quand la grande historienne Michèle Perrot donne une préface, elle sait trouver les mots. Des femmes de la guerre, que savons-nous au-delà des stéréotypes ? Les munitionnettes, aussi expertes d'une grisette à sa couture. L'infirmière, ange blanc, la religieuse compatissante. La cantinière, facile et courageuse. L'épouse, fidèle ou volage. Celle qui attend et celle qui profite. La maman et la putain. Toujours. L'histoire des femmes durant la Grande Guerre est aussi l'histoire des femmes beaucoup plus large, des femmes avant, des femmes après, les femmes dans la guerre. Chaque fois que les hommes sont partis vers la mort, les femmes les ont tout naturellement et partout remplacées. Ne serait-ce pas de là que leur viendrait un certain goût de l'indépendance ? Pas trop d'indépendance. Pas trop d'indépendance quand même. En 1975, c'est la réponse qui est faite à Nina Campagnès quand elle évoque la place des femmes dans la guerre. Bonjour Françoise Thébault. Bonjour. J'ai lu un extrait de la préface que Michèle Perrot a donnée à votre livre « Les femmes au temps de la guerre de 14 ». Ces femmes au temps de la guerre de 14, elles sont étudiées. C'est vrai que tous les travaux qui ont été faits ont complètement changé le regard dans votre carrière. Sur ce regard porté aux femmes, et vous le dites bien dans l'ouvrage, il y a une nette évolution. Alors, tout à fait. Vous savez que l'histoire des femmes a presque un demi-siècle maintenant, commencé dans les années 1970. Et depuis lors, les travaux ont été extrêmement nombreux sur tous les sujets. Et la question des guerres, la place des femmes dans les guerres, a été abordée très précocement, en fait. J'avais déjà fait, dans les années 70, une maîtrise avec deux autres amis sur les ouvrières de guerre dans le département de la Seine. Et il y avait énormément d'archives. Donc, dès le début, on voyait que le sujet femme pouvait être traité. Il pouvait être traité avec ce moment très particulier qui est la guerre, mais évidemment, Françoise Thébault, au moment de réfléchir aux femmes en temps de guerre, il faut mettre en place le panorama de la place des femmes juste avant la guerre. Sinon, on ne peut pas comprendre. Par exemple, nous avons en tête, ce qui est un cliché, une représentation, que c'est la Première Guerre mondiale qui a permis aux femmes d'entrer dans le monde du travail. Ben, si on regarde un petit peu avant, la nuance qu'apporte l'historienne est essentielle. Alors tout à fait, je crois que pour comprendre l'expérience de guerre des femmes, ou plutôt les expériences au pluriel, le pluriel est extrêmement important, il faut dire d'emblée que les femmes ne constituent pas un groupe homogène, différentes par l'âge, c'est important pour la guerre, différentes par le lieu de résidence, ville ou campagne, et différentes aussi, encore plus, par l'appartenance sociale. Dans les classes populaires, les Françaises avant 14 travaillent beaucoup, dans les champs, dans les usines, comme domestiques. Ce sont les femmes d'un milieu aisé, les bourgeoises, qui sont des maîtresses de maison et qui restent au foyer. Mais en même temps, et ça aussi c'est important, parallèlement, toutes ces femmes vivent dans une société française très marquée à la fois culturellement et socialement par la différence des sexes. Et elles subissent tous le poids du code civil napoléonien adopté en 1804. Les femmes mariées sont des mineures juridiques, qu'elles soient bourgeoises ou ouvrières ou paysannes. Des différences sociales évidentes, des différences d'âge bien sûr, mais c'est vrai que ce même statut pour toutes, et ça c'est très important de le noter dans les autres clichés que nous avons sur la Première Guerre mondiale, c'est que ce moment intense de souffrance a permis aux femmes de prendre la parole et puis de demander des droits. Mais là aussi, l'historienne peut dire, mais non, ça c'est également antérieure. Il y a peut-être une accélération des changements, mais la demande des femmes d'avoir une plus grande place dans la société légitime, ça date d'avant la Première Guerre mondiale. Bien sûr. Alors, je parlais juste avant du Code civil, le mouvement féministe de l'époque. Il existe un mouvement féministe organisé à l'échelle nationale et internationale, est assez important dans la France d'avant 14, avec une presse, de nombreuses associations. Et ces féministes, c'est un féminisme pour les droits des femmes. Elles réclament des droits pour les femmes, droit à l'éducation, certains acquis ont déjà été obtenus, droit au travail et à toutes les carrières, certains acquis également, mais pas tous, modification du Code civil dans un sens plus égalitaire, très peu de choses ont été obtenues, et surtout, avant 14, la grande revendication du féminisme avant 14, c'est le droit de vote, à la fois en France, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. L'association française, l'Union française pour le suffrage des femmes, est née en 1909, et elle est membre d'une internationale suffragiste, née en 1904. C'est le temps qui nous intéresse en histoire, et inscrire cette histoire des femmes pendant la Première Guerre mondiale sur un temps plus long, déjà c'est important. Donc, les femmes étaient déjà au travail, en tout cas, dans les classes populaires, les ouvrières étaient nombreuses à côté des ouvriers, et puis, il y avait déjà des demande. Mais la guerre éclate soudain. Jean-Yves Le Naour, bonjour. Bonjour. Si on joue sur le temps où il y a la mobilisation, ça a une incidence immédiate d'ailleurs pour les femmes. Parce qu'elles le voient, les hommes sont tout de suite appelés à partir. Il faut faire la valise et il faut partir. Oui, ça a une incidence immédiate. Et puis surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est une nation rurale. 60% des Français sont des ruraux et 40% sont des paysans. Et on est en août 1914. C'est-à-dire qu'on est en pleine période des moissons. Et tous les témoignages racontent, parce qu'on n'est pas mobilisé le même jour, la mobilisation s'étale sur 15 jours. Tous les témoignages racontent que les hommes, quand ils partent dans 3 jours, ils vont travailler le jour, la nuit, pour faire rentrer les récoltes. Parce qu'il faut laisser le moins de travail possible à sa femme, à ses vieux parents. Et donc oui, à ce moment du départ, qui est un moment déchirant, on a des sources, notamment les cahiers des instituteurs, il y a une enquête qui avait été demandée, etc., ou simplement la presse, ou les témoignages, les lettres, etc., qui montre que à la mobilisation, si les hommes restent graves, ils ne sont pas du tout heureux d'y aller. La fameuse fleur au fusil, c'est dans les jours qui vont suivre. Les femmes, elles pleurent bien souvent. Elles pleurent. Mais là, on est un petit peu aussi dans le cadre du genre, c'est-à-dire que les femmes peuvent exprimer par les larmes, les hommes tenus par le stéréotype de la virilité, eux, ils doivent rester des hommes et ne pas pleurer. Et néanmoins, le moment des adieux, quand on embrasse sa femme pour la dernière fois, ses enfants pour la dernière fois, c'est un moment très douloureux où là, les larmes coulent. Mais ensuite, quand on va là, je prends l'exemple du caporal Louis Bartas, sa femme et son fils l'accompagnent jusqu'à la caserne ensuite il doit traverser la ville et prendre le train. Il lui dit non, va-t'en. Il ne veut pas qu'elle l'accompagne parce que je vais pleurer. Et il est hors de question qu'un homme pleure au milieu de ses camarades. C'est pas possible. Et vous savez, c'est les soldats, on va les appeler les poilus. Voilà, c'est quand même la virilité, hein, l'exemple de la virilité. C'est pas qu'ils se rasaient pas ou qu'ils avaient des poils, c'est qu'en fait, ils étaient courageux. C'est le poil, avoir du poil au cœur, avoir du poil aux pattes, avoir du poil au cul, avoir du poil aux yeux, c'est être un homme viril, courageux. Donc, un héros, et ça ne pleure pas. L'histoire des femmes, c'est aussi l'histoire de la virilité. C'est important de le dire, parce que cette histoire est genrée, parce qu'elle nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, les femmes pendant la guerre, mais comprendre la place des femmes dans toute leur diversité. C'est toujours ça qu'il faut faire au moment d'étudier mais une période intense et une population immense. Eh bien, ces femmes doivent se comprendre au regard des hommes. Dites-nous, Françoise Thébault, ce modèle que vient d'exposer Jean-Yves Le Naour, de la virilité comme vertu. Les femmes se l'approprient-elles au moment où les hommes partent? Est-ce qu'elles deviennent viriles au sens où il faut remplacer les hommes, ou est-ce qu'elles restent complètement femmes au sens où elles étaient déjà là et elles maîtrisaient déjà le travail? Alors, la réponse n'est pas du tout facile, la réponse à votre question. Je reviendrai sur ce que disait Jean-Yves Le Naour. Il évoquait aussi l'appel de René Viviani, le président du Conseil du 6 août 1914, qui est souvent reproduit dans les manuels scolaires et qui s'intitule « Aux femmes françaises ». Mais quand on lit le contenu, il s'agit uniquement des paysannes à qui on demande d'achever les moissons et de préparer la terre pour les récoltes futures. Alors, premier élément de réponse à votre question, la mobilisation des femmes pendant la guerre de 14 a une chronologie qu'il est important de rappeler. Les premières femmes mobilisées, ce sont effectivement les paysannes. Assez vite aussi les infirmières, puisque le service de santé militaire est insuffisant. Par contre, les autres, dans un premier temps, la guerre met plutôt les femmes salariées de l'industrie et du commerce au chômage, parce que l'imaginaire social de l'époque, l'imaginaire des autorités politiques et militaires, c'est une guerre courte, et bien évidemment victorieuse. Donc, ce n'est pas la peine de préparer le pays à une guerre longue. On peut très bien mettre les entreprises à l'arrêt pendant quelques temps. Donc, dans un premier temps, pour de nombreuses femmes françaises, ouvrières ou salariées, c'est une mise au chômage forcée et donc des difficultés économiques qui sont mal compensées par le versement d'une allocation de femmes de mobilisées. Et puis ces femmes, nous parlons de celles qui travaillent dans les champs, maîtrisent déjà le travail. Elles n'ont pas à changer, mais malgré tout, il y a des petits changements. Elles ont beau connaître le travail, vous avez mis dans la couverture, Françoise Thébault, de votre livre « Les femmes au temps de la guerre de 14 », c'est Payot qui publie cet ouvrage, une femme sur un tracteur. Là, c'est un changement parce que la femme a beau connaître le métier de son mari, elle ne maîtrise pas le tracteur. Souvent, c'est l'homme qui conduit le tracteur. Ben là, elle va pouvoir monter sur le tracteur. Alors, l'image est un petit peu fausse. En fait, c'est une image des États-Unis, donc, qui a été choisie par Payot. L'agriculture française est encore très, très peu mécanisée avant 14. Mais il y a, dans tout le monde du travail, que ce soit à la campagne ou dans les usines, ce qu'on peut appeler une division sexuée des tâches. Les paysannes n'accomplissaient pas toutes les tâches dans les champs. Elles s'occupaient de la basse-cour, elles aidaient aux moissons, mais par exemple, elles ne taillaient pas la vigne, qui était considérée comme une tâche très qualifiée. Donc, l'absence des hommes va contraindre à une recomposition de cette division sexuée des tâches. Mais dans un premier temps, on va confier les tâches masculines à des hommes âgés ou des jeunes hommes qui ne sont pas encore en âge d'être mobilisés ou bien à un réformé, etc., etc. Donc, une société met beaucoup de temps à accepter une modification, ce qu'on peut appeler les rapports de genre ou de division sexuée des rôles et des tâches. Oui, et puis la période de la guerre, il faut le rappeler, nous l'utilisons comme un bloc. La guerre 14-18, mais cette guerre 14-18... Il y a une chronologie importante. Hein, on le voit très bien, Jean-Yves Le Naour, on l'a évoqué, cette idée d'une guerre courte fait que il n'y a pas tout de suite, dans un premier temps, la volonté de mettre toutes les femmes à la place des hommes. Parce que c'est pas du tout ça la question dans les premiers temps de la guerre. Non, effectivement, cette guerre, selon tous les experts, ne doit durer que 3 mois au maximum. C'est l'affaire d'une, deux, trois grandes batailles, c'est ce qu'on pense. On n'est pas encore entré dans la guerre totale. La guerre totale, c'est la guerre longue, avec la mobilisation de toutes les énergies du pays, financières, économiques, et donc des bras. Et là, pour revenir aux paysannes, effectivement, c'est les paysannes qui sont d'abord mobilisées. Ensuite, on va rentrer dans la guerre industrielle quand on va découvrir que la guerre va durer c'est assez difficile de dire quand on a compris que la guerre allait durer, parce qu'il y a la bataille de la Marne, bien sûr, il y a la course à la mer et le front qui se bloque en octobre-novembre. Mais on est toujours persuadé que dans 3 mois, le général Joffre dit dans 3 mois, je les aurai bousculés en janvier. Et tout le monde croit cela. Et on croit cela jusqu'en 1917. Et il y a une impréparation industrielle avant 1915, avant le milieu de l'année 1915. Juste un exemple, le général Joffre, ça nous éloigne peut-être un peu des femmes, mais en octobre 1915, un ingénieur dit « Je peux faire des casques aux soldats, vous les produire en quantité. » Puisque les casques, les soldats sont partis avec des képis. Hein, et il y avait quantité de blessures. Et Joffre dit « Vous pouvez me les livrer dans combien de temps ?» Les premiers dans 3 mois. Dans six mois. J'aurais torché les boches avant. Voilà. Et avec cette impréparation et cet esprit-là, on a repoussé l'entrée finalement dans la guerre industrielle vraiment au printemps 1915. Mais pour revenir aux paysannes, vous voyez, il y a eu aussi la mobilisation des chevaux de trait, la mobilisation des bœufs pour tirer les canons. On est rentré en guerre avec le cheval, le canasson, et on est sorti de la guerre avec le moteur, avec le camion. Il y a eu une mutation énorme, pas seulement sur le plan culturel, mais sur le plan matériel. Et d'ailleurs, sur le plan matériel, ça induit aussi le plan culturel. Et la mobilisation des femmes et leur situation finalement de faiblesse, hein, quand on n'a plus son cheval pour labourer, c'est devenu un argument de propagande où il y a cette fameuse photo qui sera reprise sous forme de posters, enfin d'affiches et d'affiches aux États-Unis pour aider les pauvres Français. Vous voyez trois femmes qui ont pris qui tirent une charrue, hein, qui comme à la place de leurs bêtes qui ont été mobilisées. Et alors quand on voit ça, effectivement, c'est fait pour dire quelle détermination d'un côté, détermination patriotique côté français, et puis évidemment quand cette affiche est exploitée aux États-Unis pour dire regardez, il faut leur venir en aide. Oui, c'est sur l'ordre de mobilisation générale, il est bien indiqué que les animaux aussi sont réquisitionnés. François Stébo, c'est très fort cette histoire. On n'a plus le cheval, on n'a plus rien pour faire travailler. Tout à fait, donc les paysannes remplacent à la fois les hommes mobilisés et les bêtes réquisitionnées, ce qui rend extrêmement difficile le travail au champ et qui conduit à un véritable surmenage. J'insiste beaucoup sur la notion de surmenage des femmes pendant la guerre. Surmenage dans les campagnes, mais aussi surmenage pour les ouvrières, on va sans doute en reparler. Bien, nous en reparlons tout de suite, direction l'usine. Et puis il y avait aussi les femmes dans les usines. Les femmes dans les usines, jusqu'à présent, on ne les considérait pas du tout, les femmes qui travaillaient dans les manufactures, disaient à ce moment-là. Vous savez, c'était encore un peu le « sweating system » dont parlaient les Anglais, n'est-ce pas, du 19e siècle. Eh bien, elles avaient de très bas salaires, elles étaient exploitées quand elles travaillaient à domicile, et voilà que tout à coup, on les honorait. On leur disait « c'est magnifique ce que vous faites, vous produisez des armes, la nation entière vous honore et vous rend hommage, vous empêchez vos maris et vos frères d'être tués, vous allez libérer, grâce à vous, on va libérer les pays occupés par les Allemands. » Et on leur a donné à ce moment-là des hauts salaires. Il y avait aussi les femmes qui ont remplacé leur mari à la tête d'entreprise et qui, ou leur mari ou leur père, et qui du jour au lendemain se sont révélées des industriels ou des femmes d'affaires. C'est en 1984 que s'exprimait Marcel Kramer-Barre, qui avait 19 ans en 1914. Alors, figure de la résistance de la Seconde Guerre mondiale, une figure féministe qui nous offre ici presque une lecture parfaite de ce moment de l'histoire des femmes au milieu de la guerre, c'est-à-dire les ouvrières à l'usine, reconnues nécessaires pour la patrie. Elle évoque un moment avec des bons salaires, alors ça va falloir nous expliquer. Il y a aussi tout un discours aujourd'hui dont nous sommes les héritiers qui ne correspond pas à la réalité du vécu. Alors Marcel Kramer-Barre, qui est aussi une militante suffragiste hein, au XXe siècle, a une version un petit peu optimiste de ce qui s'est passé pendant la guerre. Effectivement, les femmes mises au chômage au début de la guerre vont chercher à travailler. Mais premier élément de réponse, on va retrouver le niveau de femmes salariées dans l'industrie et le commerce qu'en 1916 pour le dépasser d'environ 20% en 1917. Donc la guerre est bien un moment de surtravail des femmes. Alors, que font ces femmes pendant la guerre ? On les appelle les remplaçantes. Elles remplacent les hommes partout où cela est possible. Elles vont être factrices, receveuses, conductrices de tramway, livreuses de charbon, serveuses de café. C'était des métiers masculins avant 14. Et ce faisant, et ça c'est important aussi, les femmes sont beaucoup plus présentes dans l'espace public, beaucoup plus visibles. Elles sont photographiées, elles sont commentées par les journaux, etc., etc. Elles vont aussi, et ce dont parlait Marcel Kramer-Barre, travailler dans l'industrie. Alors, certaines dans les industries comme avant-guerre, c'est-à-dire les secteurs dits féminins avant 14, hein, et considérés comme féminins par la société, c'était par exemple le textile, l'habillement, un peu l'alimentation. Pendant la guerre, elles vont aussi travailler dans des secteurs comme la métallurgie et la chimie, reconvertis en industrie de guerre pour produire l'armement, toujours plus d'armement, puisque la guerre est longue, hein, et que les stocks s'épuisent. Alors, ces femmes-là, on les appelle les munitionnettes. Elles vont dans les usines de guerre, d'une part par besoin, parce qu'elles n'ont pas, elles ont besoin de travailler et de gagner leur vie, hein, mais aussi, c'est là que Marcel Kramer-Barre présente un élément un peu de vérité historique, parce que le travail à l'usine de guerre est beaucoup mieux rémunéré que le travail traditionnellement féminin dans le textile. Ces femmes sont mieux payées, mais moins que les hommes sur les mêmes postes de travail, la contrepartie étant un travail extrêmement dur, extrêmement pénible, puisque toutes les lois sociales votées avant 14 ont été suspendues pour la durée de guerre. Donc ces munitionnettes vont travailler 10 à 12 heures, de jour comme de nuit, sans repos hebdomadaire. Et certaines, d'ailleurs, les médecins en ont témoigné, certaines vont contracter la tuberculose et en mourir. Donc il y a quelques victimes aussi dans ces usines de guerre. Donc travail pénible, travail aussi dangereux. Les accidents du travail dans les usines de guerre, notamment dans les cartoucheries, sont assez nombreux. Et là encore, des ouvrières décèdent de par leur travail. Il y a un paradoxe dans cette histoire-là, Jean-Yves Le Naour, c'est que nous sommes dans une société où la virilité est mise en avant, bien sûr, depuis longtemps, et encore plus au moment de la guerre. C'est la société militaire, c'est comme ça qu'on imagine la guerre. Et pourtant, on vient de l'entendre, les femmes sont beaucoup plus présentes dans l'espace public. C'est intéressant, beaucoup plus de présence et presque invisibilisée dans le même temps. Alors, je crois aussi que Marcel Kremer-Barck a dit que... on leur rendait hommage. C'est-à-dire que la nation est en guerre et on a besoin de tous ses bras, de tous les bras, de toutes les volontés, de toutes les énergies. Comme on aura besoin aussi du travail des coloniaux. Il va y avoir 700 000 à peu près, 700 000, 800 000 ouvriers et soldats coloniaux qui vont venir en France. Donc on a besoin de soldats, on a besoin de bras. Et à partir de ce moment-là, eh bien effectivement, tous les préjugés contre le travail féminin, que les conservateurs avait, et bien tout ça saute, mais tout cela est vu comme de façon temporaire pour les conservateurs, transitoire. La guerre est juste une parenthèse. Quand on reviendra, les choses reprendront leur cours normal, il y aura un retour à l'ordre. Et puis regardez, Françoise Thébault a dit le mot de ces ouvrières en usine de guerre, les munitionnettes, les fameuses munitionnettes. On ne dit pas le mot ouvrière en usine de guerre, mais c'est un gros mot, c'est un mot qu'il émet sur le plan d'égalité avec les hommes. Non, ce sont des munitionnettes. Ce suffixe, vous l'avez souvent rappelé dans vos ouvrages, eh bien, ça rassure, parce que vous voyez, c'est tout de suite plus, comment dire, plus sexy, si vous me pardonnez l'expression, mais des munitionnettes, des petites cousettes, des midinettes, vous voyez, tout de suite, c'est moins effrayant que l'ouvrière en usine de guerre qui renvoie à l'égalité, qui renvoie à une réalité sociale. Donc, oui, il y a toutes ces images, mais Françoise Thébault en parlera mieux que moi. Oui, je voudrais souligner également qu'il y a véritablement une sorte de combat culturel qui passe par le langage. Sur ces munitionnettes, le mouvement féministe, qui a suspendu ses revendications pendant la guerre, mais avec l'idée que les femmes n'ont plus que des devoirs envers la patrie, mais ce faisant, elles montrent leurs compétences et elles devront obtenir des droits à la fin du conflit. Donc le mouvement féministe décrit ces femmes au travail, notamment dans les usines de guerre, secteur stratégique, comme des combattantes de l'arrière. Donc en masculinisant en quelque sorte le terme, elles montrent leur importance et leurs compétences. D'autres, au contraire, des journalistes ou des essayistes de l'époque vont critiquer ces ouvrières en disant elles sont trop payées, elles sont des privilégiées, elles peuvent s'acheter des oranges, des bas de soie, etc. Et d'autres encore, notamment des médecins, ont très très peur de ce qui se passe et craignent ce qu'ils appellent une masculinisation des femmes. Ça, il y a une angoisse un petit peu de la société française sur le fait que les rôles sont en train de bouger et les représentations également. Mais nous savons combien, à tout moment, dès que les rôles risquent de bouger, la société frémit, surtout quand elle est dominante. C'est du côté des dominants que ça fait peur. Mais c'est vrai que dans cette histoire-là, il y a cette place de tout ce que nous avons dit. Ces femmes qui travaillent avant et qui poursuivent leur travail pour certaines, d'autres bien, qui se retrouvent seules à la ferme, et puis d'autres, ces suffragettes, ces grandes figures du mouvement féministe qui se trouvent confrontées à la guerre. Louise Weiss, elle avait 21 ans en 1914. Je fus tout de suite intimement mêlée à la vie tragique de la nation en guerre. Avec quelques amis, j'organisai un refuge pour les évacuer de nos départements envahis. Je pris la direction d'un petit hôpital militaire où j'accueillis les soldats de la Marne dans leurs capotes raides debout, leurs plaies dévorées de vermine. Je collaborai également à des œuvres de secours aux prisonniers, aux éclopés, ces pauvres combattants qui passaient à côté de la gloire avec leurs fluxions, leurs rhumatismes, leurs coliques. Si le jour je ne manquais pas de sang-froid, la nuit j'étais secouée de cauchemars. Je pleurais souvent. Les deuils familiaux s'accumulaient. J'étais affolée par cette expérience d'une douleur aux mille visages. Une douleur aux mille visages, c'est en 1965 que s'exprimait Louis Weiss. Alors ici, on a vraiment cette idée que c'est l'ensemble de l'existence d'un individu qui est pris par la guerre. Ce n'est pas simplement dire une femme a été travaillée dans une usine. C'est l'ensemble de l'existence des individus qui est saisi par la guerre, avec cette souffrance qui est évoquée ici. Je crois que Louise Weiss est finalement très caractéristique d'un certain milieu social, puisque ce sont surtout les femmes de bonne famille qui se sont investies comme infirmières. Il y a des associations et des femmes de la haute bourgeoisie, parfois de la noblesse. C'est une façon de servir. Vous avez l'infirmière, par exemple, le témoignage d'infirmière Lucie Attichadou, qui elle n'est pas dans la haute bourgeoisie. Enfin, elle est enseignante à l'école normale à Perpignan, et elle dit mon mari part à la guerre, eh bien moi aussi je dois faire la guerre. Je ne suis pas un homme, je n'ai pas le droit de porter les armes, mais je dois faire la guerre, autrement je dois pour servir mon pays. Et donc elle va pas devenir ouvrière, hein, elle est d'un certain milieu social, donc comment faire pour s'engager au service de la patrie? Eh bien elle devient infirmière. Il y a une anecdote sur Louise Weiss qui est quand même assez révélatrice, bon, qui n'a rien à voir avec ce domaine, parce que Louise Weiss au bout d'un moment va vite se lasser, hein, de l'hôpital. Là elle se met un petit peu en valeur, mais elle va vite se lasser, elle va vite bifurquer vers le journalisme. Louise Weiss est un milieu bourgeois très conservateur, elle a passé l'agrégation de lettres, elle a réussi l'agrégation de lettres juste avant la mobilisation, et elle ne l'a pas dit à son père, parce que pour son père, une femme de la bourgeoisie, elle doit se marier. Elle ne doit pas avoir trop d'éducation, sinon on n'arrivera jamais à la marier. Et donc, elle lui avoue à son père qu'elle a réussi l'agrégation le jour de la mobilisation, pour que la pilule passe. Et là, sa seule réaction, le père se retourne vers la mère en disant « Ta fille ferait mieux de se marier. » Sa fille ferait mieux de se marier. C'est cette armée de la charité que vous évoquez, Françoise Thébault. Il y a le patriotisme qui s'inscrit aussi dans cette histoire, parce que les femmes ne sont pas à côté de cette longue histoire du patriotisme en France. Alors tout à fait, et le témoignage de Louise Weiss montre aussi que la guerre est véritablement un temps fort de la philanthropie féminine, cette philanthropie qui concerne, comme l'a dit Jean-Yves Le Naour, les classes les plus aisées. Mais ce qu'a dit aussi Louise Weiss, c'est le terme de douleur. La guerre, c'est véritablement un moment d'épreuve, à la fois pour les hommes, bien évidemment, à l'enfer des tranchées, mais aussi pour les femmes. Et la première épreuve, c'est celle de la séparation, de la solitude, que tente de combler cette énorme correspondance de guerre dont on a énormément d'archives. C'est essentiel, hein, pour l'historien, pour l'historienne. On le sait bien, parce que c'est la base de tout. Dans votre intégrale, Jean-Yves Le Naour, 1914-1918, publié chez Perrin, non, mais l'intégrale, la guerre 14-18, s'il y avait un mot qui transcende en fait l'ensemble des vécus, quel qu'il soit, c'est cette douleur, cette souffrance. Hein, c'est vrai que François Thébault évoquait la souffrance au combat, bien sûr, mais pas seulement au combat et pas seulement la souffrance physique. Oui, il y a des souffrances que l'on a tues pendant longtemps. Pendant longtemps, les historiens qui étaient eux-mêmes anciens combattants, je pense à Jacques Meyer, à Gabriel Perreux, etc., jusqu'aux années 60-70, eh bien, racontaient la guerre, racontaient la vie quotidienne du soldat, la vie quotidienne des civils, mais ils taisaient un certain nombre de souffrances. Ah oui, pour raconter les poux, la mort, la boue, les rats, et tout cela, le froid, bon, d'accord. Mais pour raconter l'intime, d'autres souffrances affectives, de la séparation, de souffrances de frustration sexuelle, hein, c'est quand même 4 ans de séparation, en dehors de courtes périodes de retrouvailles. Hein, tout ça, on n'en parlait pas. Parce que ça les aurait obligés, ces historiens, de se dévoiler, finalement, de parler d'eux. Et puis, ça entrait aussi en confrontation avec les stéréotypes de la virilité. Donc, c'est très bizarre, cette guerre, parce qu'on a parlé, voyez, de la virilisation des femmes, d'un côté, mais de l'autre côté, on peut aussi parler d'une dévirilisation des hommes. Parce qu'ils sont partis comme des héros, persuadés qu'ils allaient mener une guerre héroïque. Bien sûr, ce serait pas frais, ça serait violent, mais ils reviendraient couverts de lauriers. Et puis, charge de cavalerie sabre au clair, assaut de fantassins, baïonnette au canon. Puis ça n'a pas été que ça. Ça a été la guerre de tranchées, où ça a été l'escroquerie de toute gloire. Drieu-La Rochelle dit, voilà, j'avance à quatre pattes dans une tranchée, en pataugeant dans la boue. Voilà comment on avance au XXe siècle. C'est une désillusion, une dévirilisation. Et ces poilus qui sont en souffrance, qui sont blessés, etc., qui sont victimes d'hystérie, de maladies nerveuses, etc., alors que l'hystérie, c'était la maladie des femmes, ça vient d'utérus, ces blessés qui sont maternés, qui ont besoin d'être réparés, tout ça, il y a une sorte d'inversion, ou en tout cas de sentiment d'inversion des rapports de domination, des rapports de genre, des femmes en situation d'empouvoirment, pour reprendre des concepts anglais, et des hommes finalement dépossédés, puisque leur rôle c'est simplement de tenir dans les tranchées, et ils dépendent de l'arrière, et ils dépendent affectivement de l'arrière, ils dépendent des femmes, ils dépendent des mandats que les femmes envoient, de leur mère ou de leur épouse, ils dépendent des colis qu'on leur envoie, ils dépendent des lettres qu'on leur envoie. Les hommes sont dépendants et les femmes gagnent leur vie, sont autonomes. C'est un moment de trouble. François Stébaud, vous avez évoqué le code civil de Napoléon de 1804, où évidemment le dominant, le maître, c'est le père ou le mari. Et ce que vient de dire Jean-Yves Le Naour, c'est cette inversion qui est intéressante. Au-delà de tout ce que l'on peut étudier aussi, et de manière très concrète, sur la place des femmes dans la guerre, il y a des mouvements profonds. Et là, c'est une rupture. La femme est dominante face à son mari. Alors, je ne dirais pas rupture. La femme n'est pas véritablement dominante. Elle acquiert une certaine autonomie, au moins matérielle. Par contre, le droit, le code ne change pas. On peut, en passant devant un juge, pouvoir exercer l'autorité. Temporairement, toujours temporairement, c'est très important, l'autorité paternelle, même en tant que mère, ou bien prendre des décisions de l'ordre du civil, mais temporairement et avec l'accord du juge. C'est-à-dire que la société s'arc-boute quand même sur l'ordre traditionnel des sexes. Ce que je voulais dire, effectivement, c'est que dans la réalité du quotidien, ce sont les femmes qui s'occupent des exploitations et qui s'occupent de la maison. Enfin, il y a l'absence de celui qui est censé gérer tout ça. Tout à fait. Et cela créera des dissensions, parfois, dans le couple, au retour du soldat. Le retour du soldat ne se passe pas toujours très très bien dans les familles. J'ai un exemple, effectivement, d'un petit exploitant, un petit débitant de vin dans le Jura, Constant, qui part à la guerre. Et donc, sa femme le remplace au débit. C'est elle qui commande les fûts, qui commande les livraisons, etc. Et pendant la guerre, si vous voulez, il y a une augmentation des prix. Il n'y a plus du tout de crise comme en 1907 du vin, puisque là, il y a des commandes de l'État. Il faut abreuver les soldats au front. Et donc, les prix montent. Et voilà que Gabrielle, l'épouse, eh bien, elle rembourse les dettes du ménage. Elle acquiert des petites propriétés agricoles. Elle met de l'argent de côté. Et tout ça, elle lui raconte dans les lettres. Et son mari lui dit, c'est formidable. Mais on sent un peu d'amertume parce qu'il lui dit, tu te débrouilles mieux que moi. Et il lui répète ça souvent, tu te débrouilles mieux que moi. Le commerce marche bien pour toi, c'est très bien. Et il la félicite, mais on sent quand même qu'il y a une blessure. Oui, c'est très intéressant de voir ce qui se passe à ce moment-là dans une histoire beaucoup plus longue qui est une histoire des femmes. Et puis, dans cette histoire particulière, il y a, nous l'avons dit, le temps qui est important et la durée. Quand on commence à comprendre que ça va durer, les choses changent. Il y a des métiers spécifiques à la guerre, vous l'avez dit, les munitionnettes, il faut fabriquer des munitions. Et puis, il y a un autre rôle spécifique, ce sont les marraines de guerre, notamment celle de Guillaume Apollinaire. Comment avez-vous été amené à entrer en rapport avec Guillaume Apollinaire ? Guillaume Apollinaire, volontaire, était au 19e à Nîmes, ou au 38e, je ne me souviens plus. Et il avait comme camarade un chartiste, et comme Apollinaire, à chaque fois qu'un camarade partait pour le front, lui faisait un quatrain. Léonard lui dit, et vous, pauvre costaud, vous n'aurez point de quatrain. Je vais demander à une amie de ma sœur, qui est poétesse, de vous en faire un. Et à une permission, il vint ici et il me demanda si je voulais faire cette gentillesse à un homme que nous considérions déjà comme un génie. Et naturellement, je l'ai fait avec plaisir. Est-ce que cela vous ennuierait de nous le lire ? Vous allez compléter la geste de vaillance des héros polonais au sol de nos aïeux, emportés pour braver les destins ténébreux, ce quatrain espérant d'une femme de France. Elle signe Jeanne-Yves Blanc, elle s'appelle Jeanne Burgbrun. Elle avait 28 ans en 1914 et c'est la marraine de guerre de Guillaume Apollinaire. C'est très important, cela aussi, Françoise Thébault, dans cette histoire, ces relations qui s'instaurent, qui sont au-delà d'un cadre que l'on peut connaître en temps de paix. Alors, tout à fait. Et d'où viennent ces marraines de guerre ? Ce sont des femmes ou des jeunes filles qui doivent correspondre avec des soldats sans famille pour diverses raisons, et notamment avec ceux qui, dont les familles sont en territoire occupé par l'Allemagne dans le nord et l'est, et qui ne peuvent pas avoir de correspondance et qui ne peuvent pas rentrer en permission dans leur famille. Donc des associations naissent assez rapidement, je crois que c'est dès 1915, de marraines de guerre, et les contacts se font, on attribue un soldat à telle ou telle femme, et cela crée de nouvelles relations. Beaucoup aussi, on a beaucoup de caricatures sur ce, on se moque gentiment des marraines, on soupçonne parfois de vouloir des relations sexuelles hors mariage, on soupçonne beaucoup de choses, mais en même temps ça a joué un rôle pour le maintien du moral, de soldats privés de contact avec leur famille. Jean-Yves Le Naour, dans votre démarche d'historien, il y a ce regard porté à l'intime. L'intime, c'est très important. À côté de l'histoire guerrière qui serait faite avec des batailles, il y a l'intime qui est au cœur de l'ensemble. Mais oui, parce que si vous voulez, la guerre, c'est pas seulement des batailles. Et d'ailleurs, c'est pas seulement l'affaire de soldats. On l'a dit, c'est une nation tout entière. Il faut des gens pour forger des obus, pour forger des balles, des fusils. Donc, si on ne comprend pas l'humain, si on s'intéresse pas à l'humain, au ressenti, à l'intime, je crois qu'on reste à la surface. On reste à la surface des décisions politiques et militaires, et on ne comprend pas le vécu des contemporains. Et vous voyez, tout à l'heure, je parlais de la dévirilisation et du drame que ça a pu représenter pour les soldats, ce sentiment d'être escroqué de toute gloire, et que pendant ce temps-là, en plus, non seulement c'est pas des héros, ils pataugent dans la boue, ils souffrent, et mais pendant ce temps-là, les femmes prennent leur place. Évidemment, tout le monde ne pense pas comme ça, mais néanmoins, au front, dans ces communautés d'hommes, vous avez quand même des langages assez violents, misogynes, sur les femmes qui seraient tentées de faire la vie à l'arrière, qui tromperaient leur mari, etc. Pas la mienne, hein, bien sûr, hein, on s'échange des lettres, alors là on est amoureux, etc. On retrouve un petit peu même la flamme des fiançailles, mais il y a vraiment ce fossé d'incompréhension, de haine, et qu'on retrouve de haine même, effectivement, et qu'on retrouve par exemple dans une chanson que je vous ai amené les paroles, si je peux vous la lire, ça sera bref, mais là on y voit vraiment tout le trauma des hommes qui ont l'impression de se faire escroquer. Mes amis, faut pas se laisser faire, les femmes se mêlent de nos affaires. Je me tords quand je vois des femmes cochées, pourquoi pas des femmes députées. Les féministes, les féminettes, il faut les mener à la baguette, afin de leur rendre, de les rendre comme des moutons, tous les jours on aura le bâton. La femme demande qu'on la domine, et pour que la vôtre vous câline, faites-lui pousser des hurlements, les femmes, faut leur rentrer dedans. Dressons-nous, levons la trique, nous sommes en danger tout du long, il faut sauver notre pantalon, car c'est notre honneur qui le renferme. Allons tous debout, soyons fermes, pensez-y en les embrassant, les femmes, faut leur rentrer dedans. Voilà, vous voyez, des métaphores vraiment sexuelles, enfin, tout ça est très bas. La censure, d'ailleurs, n'a pas visé elle l'a visé, mais justement, elle lui a pas donné son visa. Mais pour des raisons morales. Oui, pour des raisons morales, hein, alors que la censure a été instituée en réalité pour pas que les informations fusent. Vous voyez, ça montre vraiment qu'il y a une peur, une terreur. Notre pantalon est en danger. Et puis, au propre et au figuré, parce que les femmes se mettent à porter des pantalons. Dans les usines, alors, c'est pas si fréquent que ça, mais la salopette se répand. Et les femmes qui portent des pantalons, bah, c'est bien la preuve que les règles, les rapports de genre se brouillent, les frontières se sont plus diffuses, et puis les cheveux vont raccourcir à la fin de la guerre. Ça aussi, c'est un grand trouble. Tous ces éléments-là nous intéressent parce que nous sentons qu'on est sur un moment particulier pour comprendre l'histoire du genre. Et c'est ça aussi, Françoise Thébault, qui est intéressant dans l'étude des femmes au temps de la guerre de 14, et je reprends le titre de votre ouvrage, c'est que nous avons ici une accélération de phénomènes. Pour l'historienne que vous êtes, c'est intéressant de voir ce qui se passe là pour comprendre le avant et le après. Alors, tout à fait, mais le après a été l'objet de véritables débats historiographiques. Est-ce que la guerre a émancipé ou non les femmes ? Grande question, beaucoup de débats. Et finalement, l'histoire est une discipline de la nuance. Et la réponse ne peut qu'être nuancée entre un « oui, la guerre a émancipé, mais avec beaucoup de limites » ou « non, la guerre n'a pas émancipé les femmes ». Mais tout de même, le retour à l'ordre ancien est impossible. Alors on peut rentrer dans le détail. Jean-Yves Le Naour évoquait la garçonne. C'est souvent un des arguments mis en avant pour prouver, entre guillemets, l'émancipation des femmes. C'est une nouvelle mode capillaire et vestimentaire. On se coupe les cheveux, on raccourcit les jupes et les robes. Et de fait, la mode permet au corps des femmes d'être beaucoup moins entravé avant 14. C'est la figure, la silhouette de la garçonne et la silhouette de la bourgeoise d'avant 14 n'ont absolument rien à voir. Ça disparaît. Et tout à fait. Donc, argument, oui, mais c'est à la fois une mode qui se répand dans les villes, y compris dans les classes populaires d'employés, d'ouvriers, beaucoup moins à la campagne. La campagne reste sur les vêtements traditionnels. D'autre part, la garçonne, c'est aussi une allusion à un roman qui a rencontré un grand succès à l'époque, le roman de Victor Marguerite, paru en 1922 et intitulé « La garçonne ». Qui connaît un véritable succès, mais un succès de scandale. C'est un roman qui est jugé pornographique par la société de son temps. Et d'ailleurs, l'auteur va être radié de la Légion d'honneur à cause de ce roman. Bon, on n'a peut-être pas le temps de raconter le contenu, mais c'est une femme qui prend son indépendance à la fois financière et sexuelle. Mais Victor Marguerite se défend en disant « J'ai voulu écrire une fable vertueuse ». Montrer que le chemin de l'émancipation des femmes est complexe. Et d'ailleurs, dans le roman, l'héroïne rencontre à la fin un ancien combattant pacifiste qui a une conception égalitaire du couple, mais on rentre dans le couple, on rentre dans une certaine norme. Et le roman est d'ailleurs le premier élément d'une trilogie qui s'appelle « La femme en chemin », le deuxième étant le compagnon et le troisième le couple. Et c'est effectivement ce roman une fable vertueuse. Alors, deuxième argument pour l'émancipation, c'est l'acquisition par les femmes du droit de vote au lendemain de la guerre. C'est le cas dans de nombreux pays ex-belligérants, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie. Mais ce n'est pas le cas ni en France ni en Italie. Et des femmes votaient déjà avant 1914. Oui, c'est ça, parce que faut toujours mettre ça dans l'histoire, dans un temps plus long. Un temps plus long, les premières femmes étant les Néo-Zélandaises en 1893, les premières Européennes, les Finlandaises en 1906, et d'autres encore, notamment dans les pays du Nord, peuvent voter avant 14. Donc, la guerre joue sans doute un rôle pour l'accélération de l'acquisition du droit de vote. Par exemple, en Angleterre, on voit très très bien vote pour les héros comme pour les héroïnes de la guerre. Donc là, il y a sans doute les suffragettes britanniques qui avaient tant gêné les gouvernements britanniques avant 14 s'étaient ralliées au patriotisme pendant la guerre et avaient fait preuve d'une intégration dans la nation. Donc ils obtiennent le droit de vote avec toutefois des limites qui a le droit de voter, c'est toujours un choix politique. Ce n'est pas, on peut inventer 1000 règles pour dire qui peut voter. Les femmes britanniques obtiennent effectivement le droit de vote en 1918, mais seulement à partir de 30 ans, parce que les députés craignent un déséquilibre du corps électoral. Il y aurait plus de femmes que d'hommes, parce qu'on imagine qu'il y a, on ne sait pas encore le nombre exact, mais des centaines de milliers de Britanniques décédés au combat. Parce que cette histoire-là, c'est aussi une histoire démographique. On le sait bien. Et la peur d'un déséquilibre lié aux pertes masculines au combat. Jean-Yves Le Naour, ça a aussi une incidence complète dans la politique de natalité. Vous avez écrit 1919-1921, Sortir de la guerre, hein, aux éditions Perrin. Dans cette après-guerre, il y a aussi énormément de fantasmes sur la nation qui doit être puissante parce qu'elle a beaucoup de population, mais surtout d'hommes qui peuvent être de bons soldats. Et là, il y a un danger. Oui, un énorme danger, parce que alors c'est lié effectivement au rapport à l'Allemagne, puisque l'Allemagne est peuplée de 65 millions d'habitants et la France à peine 40. Et Clémenceau présente le traité de Versailles au Sénat en disant « voici le traité, il est imparfait peut-être, mais il manque une clause ». Il faudrait qu'il y ait cette clause. Si les femmes ne font pas d'enfants, si les Français ne font pas assez d'enfants, ce traité, cette paix n'aura servi à rien parce qu'un jour, il n'y aura plus de Français. Voilà, la France aura cessé d'être. Donc il y a, on voit bien cette peur démographique. Il y a eu d'abord 1,5 million de Français qui sont morts, 1,4 million de Français qui sont morts pendant la guerre, des hommes jeunes, hein, qui laissent des veuves jeunes, avec le problème du comment va-t-on trouver des maris, hein. Il y a à peu près 2,5 millions de femmes en surnombre. Et puis il y a il y a aussi tous les enfants qui ne sont pas nés pendant la guerre, du fait de la séparation des couples. Et c'est à peu près exactement le même chiffre, 1,5 million d'enfants qui ne sont pas nés. Alors, il y a un phénomène de rattrapage après-guerre, mais néanmoins, il y a cette terreur. Terreur qu'on retrouve aussi bien à droite qu'à gauche, un peu moins à gauche, mais elle a pénétré les milieux radicaux. Ce qui fait que, lorsqu'on débat du vote des femmes, il y a d'autres débats qui arrivent, qui sont pas les arguments qu'on entend ailleurs. Parce qu'ailleurs, c'est, on va dire, c'est un débat, le vote des femmes, les progressistes ou les réformistes contre les conservateurs. Mais en France, c'est pas tout à fait la même chose, hein, parce qu'il y a des opposants à droite et à gauche, pour un certain nombre de raisons, pour la question de la laïcité. On a peur, les radicaux à gauche ont peur que les femmes votent comme le prêtre le dira, parce qu'elles sont plus pratiquantes que les hommes. Bon, d'accord. Donc il y a aussi des adversaires à gauche et à droite, donc c'est plus compliqué qu'ailleurs. Mais aussi, il y a cette angoisse démographique en France qui fait que la situation est différente. Et donc, le projet de vote des femmes, même s'il est voté en mai 1919, eh bien, il est paralysé par le Sénat 22. Il est parasité par d'autres débats comme le vote des morts, qui est le projet de Barrès. Ça a l'air complètement ridicule comme ça, mais donner le droit de vote aux morts par l'intermédiaire des parents ou de son épouse, etc. Et le vote familial. Et le vote familial, le principe en a été voté par 440 députés en 1923. Le vote familial, c'est donner au père de famille autant de voix qu'il a d'enfants. Alors peut-être avec la voix de sa femme, ou la femme voterait, bon, mais il y a plusieurs... Mais vous voyez, cette angoisse démographique, elle vient parasiter le débat sur le droit. Et c'est la question du suffrage. Est-ce que c'est un droit ou est-ce que c'est une fonction sociale. Françoise Thébault. Oui, pour compléter ce que vient de dire Jean-Yves Le Naour, la guerre, c'est vraiment un moment qui renforce, qui donne légitimité au pronatalisme. Un pronatalisme français né avant 14, avec l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française, mais qui est moqué au moins dans ses débuts. Mais la guerre va rendre légitime les thèses natalistes et les élites politiques vont se convertir au pronatalisme. Et ce qui est important aussi, on ne vote pas, enfin, les femmes françaises n'obtiennent pas le vote des femmes à cause du Sénat, mais elles sont, des lois sont votées qui concernent les femmes, des lois répressives en matière de contrôle des naissances, la loi de juillet 1920, qui interdit toute information sur la contraception et l'avortement, et qui va traverser des décennies du XXe siècle, et la loi de mars 1923, qui correctionnalise l'avortement pour mieux le punir, pour mieux le pourchasser. Donc ces lois disent bien qu'est-ce qu'on attend des femmes au lendemain de la guerre. On a notamment des Françaises, on attend avant tout qu'elles fassent des enfants et qu'elles repeuplent le pays. Bon, ce qui ne va pas véritablement marcher, mais c'est la demande politique et sociale. Vous venez de dire, hein, traverser des décennies, Françoise Thébault, et en effet, cette histoire des femmes au temps de la guerre de 14 traverse les décennies, on fait un saut dans le temps jusqu'aux années 60. Pour nous, la loi de 1920 a été une loi de circonstance. La France sortait d'une longue épreuve, avait connu une douloureuse hémorragie, dont d'ailleurs elle n'est pas tout à fait remise, et le législateur de l'époque a pensé à une chose, à chercher à poursuivre un but, c'est de relancer la natalité dans notre pays qui avait été si profondément atteint. Avec le recul du temps, nous pouvons nous rendre compte que cet effort a échoué. On s'explique pourquoi elle a été édifiée, pourquoi elle a été votée. Mais on doit en constater aussi la nocivité et le fait qu'en 1966, bientôt 1967, elle n'a plus aucune raison d'exister. C'est Lucien Neuwirth qui s'exprime, dont le nom est associé à la loi qui dépénalise, mais qui autorise la contraception, pour le dire simplement, parce que il faut imaginer qu'en 1920, donc il y a cette loi qui condamne l'avortement, mais ça s'inscrit dans une longue histoire, mais qui associe la contraception et l'information. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien savoir. Et ça, c'est l'histoire des femmes jusqu'à la fin des années 60. Ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, ça a une vraie incidence sur le vécu, sur le corps même des femmes. Tout à fait. Et là, on retrouve l'histoire de l'intime, l'histoire des souffrances des femmes, des souffrances des couples, des difficultés à avoir ou ne pas avoir le nombre d'enfants souhaités. C'est véritablement quelque chose qui a traversé le XXe siècle et contre lequel vont s'insurger à la fois le planning familial, né en 1956, enfin, sous le nom de maternité, la maternité heureuse, parce qu'on ne pouvait pas s'appeler planning familial en 1956, ça tombait sous le coup de cette loi de 1920, et contre lesquelles vont s'insurger aussi les féministes des années 70, hein, notre corps nous-mêmes, notre corps nous appartient, contraception et avortement libre et gratuit. Et c'est cette histoire qui nous conduit à une histoire du genre. Jean-Yves Le Naour, dans votre intégrale 1914-1918, l'illustration de couverture, ce sont des soldats dans une tranchée, c'est complètement légitime. Et pour votre ouvrage consacré au sortir de la guerre 1919-1921, c'est une photographie, c'est la queue devant une boucherie, il y a un gamin, il y a un monsieur, lui il est de dos, et surtout il y a cette file d'attente avec des femmes qui, elles, regardent l'objectif. C'est très intéressant aussi de placer dans l'après-guerre l'importance des femmes, ça veut dire c'est le rôle qu'elles ont joué pendant la guerre et qu'elles jouent après la guerre. On ne peut pas dire d'ailleurs qu'elles aient beaucoup été remerciées. Ah, elles ont été remerciées en discours. Ah, les braves françaises. Mais en ce qui concerne le droit de vote, bon ben écoutez, vous repasserez. Ou peut-être qu'on pourra commencer avec les municipales, hein, tout au mieux. Mais même ça, ça ne passe pas. Il faut même 1936, hein, le Front Populaire, il y a trois femmes secrétaires d'État, mais on ne donne pas le droit de vote aux femmes. Alors que le PS, le LSFIO, l'avait dans ses statuts depuis sa création, depuis 1905. On ne peut pas dire qu'ils sont énormément battus pour cette question. Et puis, en ce qui concerne le travail, toutes ces femmes qui étaient en usine de guerre, on les a débauchées massivement dès la signature de l'armistice. Hein, au début de l'année 1919, hein, c'est par dizaines de milliers qu'elles sont licenciées par tous les mois. Oui, il y a eu des discours pour remercier, pour vanter les femmes, mais dans la réalité, une volonté... Oui, de retour à l'ordre, de fermer une parenthèse, mais la guerre n'était pas une parenthèse, Françoise Desthébault l'a dit, hein, dans la question de l'émancipation, le oui mais, le non mais, hein, il y a des pratiques, hein, donc il y a les discours de retour à l'ordre, mais les pratiques sociales maintenant, il faudra, quand le mari revient, eh bien, il faudra qu'il retrouve sa place, parce qu'il retrouve quelqu'un qui a changé, lui il a changé en 4 ans de guerre, mais sa femme à l'arrière a aussi changé, et il va falloir renégocier sa place dans le couple, et on est en train de marcher vers les familles horizontales, et non plus les familles pyramidale avec un chef de famille au sommet. Voilà, il faudra négocier l'autorité par rapport aux enfants, etc. La société est en train de changer. Enfin, ce sont des mutations accélérées. C'est pas la guerre qui a généré tout ça, mais ça a été un coup d'accélérateur. Françoise Thébault. Oui, je vais abonder dans ce sens. Il y a une volonté sociale, politique, des élites, d'un retour à l'ordre ancien, mais ce retour à l'ordre ancien est impossible, puisqu'il y a eu 1,5 million et demi de morts, etc. Donc il y a quand même des mutations dans le travail, non pas quantitatives, hein. Les femmes, on retrouve le niveau à peu près d'avant 14, qui était élevé, mais des mutations dans les secteurs de travail, un peu plus de femmes dans la métallurgie et la chimie, et surtout beaucoup plus de femmes dans le secteur tertiaire. C'est-à-dire, la guerre inaugure et renforce une féminisation du secteur tertiaire, ce qui est important parce que ça permet aux jeunes filles de la bourgeoisie, y compris de la petite bourgeoisie, d'avoir accès au travail. Ce travail du tertiaire est considéré comme honorable. Une jeune fille de la bourgeoisie, même pas très aisée, on ne la mettait pas au travail à l'usine. Par contre, elle peut devenir employée d'administration ou employée de banque. Donc, si l'on veut trouver des femmes qui ont été en quelque sorte dont les destins ont été changés par la guerre, plus je préfère cela que plutôt que le terme d'émancipation, c'est sans doute les jeunes filles de la bourgeoisie qui ont connu le plus de transformations, parce qu'elles n'ont moins subi l'autorité paternelle, parce qu'elles ont pu travailler, parce que maintenant de nombreux métiers du secteur tertiaire sont possibles, et aussi une des rares modifications législatives de l'après-guerre, et qui était une revendication des féministes déjà avant 14, c'est l'alignement de l'enseignement secondaire féminin sur l'enseignement secondaire masculin à partir de 1924, ce qui incite les lycées de jeunes filles à ouvrir des classes de baccalauréat, donc à permettre aux jeunes filles de passer le baccalauréat et donc d'entrer à l'université. Dans l'entre-deux-guerres, on a une croissance du nombre des étudiantes et du rapport étudiante par étudiant. Oui. Donc des femmes vont entrer dans des carrières. Il y en avait déjà un peu avant 14, mais très peu. Avocates, journalistes, professeurs, médecins. Avec toujours des réactions de la société sur cette entrée des femmes dans des métiers qualifiés. Et puis, beaucoup de nuances à apporter toujours à cette histoire, parce que les femmes au temps de la guerre de 1914, ce sont autant de groupes sociaux, autant de générations, autant de destins. Et je reprends votre mot, Françoise Thébault, ce sont ces destins qui sont intéressants. Si je peux, encore une minute, un très bon exemple, c'est Simone de Beauvoir, d'une famille traditionnelle de bourgeois rentiers, appauvrie par la guerre, par le phénomène de l'inflation. Et le père va accepter que ses filles travaillent, fassent des études, travaillent, alors qu'au départ, il aurait imaginé un destin plus traditionnel. Et Simone de Beauvoir, c'est aussi intéressant, passe le baccalauréat en 1924-1925. Ouais, ensuite, l'agrégation de philosophie. C'est cette histoire qui nous intéresse toujours sur le temps long, parce que la vie d'un individu, d'un homme, d'une femme, ça ne se réduit pas à un moment. Et c'est le cas pour ces 4 ans de guerre qu'il faut inscrire dans un temps beaucoup plus long. Merci vivement à tous les deux. Jean-Yves Le Naour, 1919-1921, Sortir de la guerre, et puis votre intégrale 14-18. Et merci beaucoup aussi, Françoise Thébault, et je rappelle à la petite bibliothèque Payot, Les femmes au temps de la guerre de 14. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi les francs-maçons furent victimes de la théorie du complot ? Née à Londres, au début du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie a rapidement fait des émules dans les principaux pays d'Europe. Il ne s'agissait pas d'une société secrète, comme il en existait déjà plusieurs à l'époque, mais d'un réseau de sociabilité regroupant des aristocrates, des artistes, des scientifiques, des artisans, partageant le même but. Il voulait œuvrer à la construction d'un temple idéal, c'est-à-dire d'une société rationnelle, rassemblant des individus libres, égaux et éclairés. Soucieux de se tenir à distance des passions et des intérêts du monde dans lequel ils vivaient, les francs-maçons imposaient à leurs membres un devoir de réserve en cultivant d'emblée des rituels perçus comme ésotériques par les non-initiés. La franc-maçonnerie fut condamnée par le pape Clément XII. Ce qui déclencha une vague de persécution dans les pays européens les plus soumis à l'autorité de Rome. En France, malgré quelques condamnations à des peines légères, les francs-maçons continuèrent à se réunir, sous la protection de personnalités de la haute noblesse, comme le duc d'Antin. Voilà pourquoi, au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie française fut principalement composée de catholiques. La Révolution française marqua une première étape dans l'histoire du divorce entre maçons et chrétiens. C'est à ce moment-là que les jésuites publièrent les premiers écrits affirmant que les francs-maçons avaient activement préparé la Révolution de 1789, ce qui accrédita l'idée d'un complot maçonnique. Au XIXe siècle, un nombre croissant de francs-maçons s'engagèrent dans les mouvements révolutionnaires. En 1848, tous les membres du gouvernement provisoire, mis en place après le renversement de Louis-Philippe, étaient francs-maçons, à l'exception de Lamartine et de Ledru-Rollin. En 1871, beaucoup d'entre eux s'impliquèrent aussi dans la Commune de Paris. Mais comme Jules Ferry, l'un des fondateurs de la Troisième République, était lui-même membre d'une loge maçonnique, la confrérie apporta officiellement son soutien au nouveau régime républicain et à sa politique anticléricale. Jusqu'à la fin des années 1930, les francs-maçons s'engagèrent fortement dans les combats pour la laïcité.